famille vous est compliquée? Votre mère vous insupporte? La nouvelle application Poodle Map, conçue en partenariat avec la NSA, signale instantanément la présence des membres de votre famille autour de vous. Grâce au capteur thermique de votre Poodle Phone, l'application Poodle Map repère et localise chaque parent, frère, sœur, enfant dans votre maison. Vous n'avez plus qu'à changer de pièce pour les éviter. Passez des vacances sereines avec Poodle Map. Ça va pas la tête ?